professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce qu'une superstar ? Pourquoi le mot génie peut-il embarrasser ? Que valent les procédures d'évaluation et comment fait-on pour évaluer des œuvres sous le régime de l'originalité ? Demande le sociologue Pierre-Michel Menger. De quoi l'individualisation radicale du travail est-elle l'indice ou le produit ? Et quelles sont les caractéristiques spécifiques du travail de création-production ? Pierre-Michel Menger, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, directeur d'études à l'EHESS, après des études de philosophie et un doctorat de sociologie, est entré au CNRS, puis à l'École des hautes études en sciences sociales, où il a dirigé longtemps le Centre de sociologie du travail et des arts, dans une démarche pluridisciplinaire. Et c'est bien cette démarche pluridisciplinaire et une approche pluriséculaire que nous retrouvons dans la grande série qu'il a initiée en 2017 au Collège de France, sous le titre « Qu'est-ce que le talent ?» éléments de physique sociale des différences et des inégalités. Dans cette vaste série, cette vaste enquête, il s'attache à analyser le succès et la diffusion des controverses autour de la notion de talent au-delà du monde des arts, dans une économie de la connaissance et de la croissance par l'innovation qui valorise et survalorise les stars et autres petits génies. Et d'ailleurs, comment définit-on le génie, le talent ? Nous nous confrontons de cours en cours à l'indéfinissable et aux tentatives de mesurer justement les talents, de sélectionner par comparaison les individus hautement qualifiés et très renommés. Sur quoi reposent les réputations ? Pourquoi les écarts de réussite ? Comment les carrières basées sur le talent peuvent-elles se construire sur un pari, des choix, des jugements et justement des comparaisons ? Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 24 février 2017 pour le cours de Pierre-Michel Menger, modèle d'analyse et controverses interprétatives. Je vais en venir maintenant à cette affaire de qu'est-ce que veut dire au juste cette histoire de le créateur causa sui, c'est-à-dire le comble de l'individu, c'est qu'il s'auto-engendre en quelque sorte, et qu'est-ce que ça veut dire ? Et pour avancer dans cette question, je voudrais commencer par une citation, non pas d'un sociologue, mais d'un philosophe, qui est Jacques Derrida, qui fournit une sorte de résumé assez commode et bref des arguments critiques adressés à une forme d'obscurantisme qui s'est installée au sommet de l'échelle des valeurs à admirer. On fixe une échelle, elle a une pointe extraordinairement élevée, même illimitée, et il se trouve qu'au sommet de cette pointe, on ne sait plus très bien quoi penser. Et voilà ce que dit Jacques Derrida dans un livre qui s'appelle Genèse, généalogie, genre et génie. Genre, c'est parce que le livre est notamment consacré à un génie féminin. Le mot génie est masculin, mais lui veut le tordre suffisamment pour y faire entrer le cas qu'il traite, celui de l'écrivain Hélène Cixous, l'écrivaine Hélène Cixous, et il s'en prend notamment à la masculinisation excessive du terme de génie. Mais au début du livre, voilà l'argument qu'il fournit. et qui est une somme de ce qu'on peut critiquer dans ce vocabulaire. Mais vous verrez qu'à la fin, il y a une surprise. Alors je lis, mais vous pouvez le lire aussi, bien sûr. Ce nom génie, on le sait trop, il gêne. Ça, c'est le goût immodéré de Jacques Derrida pour faire travailler les mots et leur sémantique dans leur étymologie et dans leur proximité phonique. Depuis longtemps, on a souvent raison d'y suspecter une abdication obscurantiste devant les jeunes, encore une fois, justement une concession à la génétique de l'ingénium, ou pire, à un inéisme créationniste. En un mot, dans le langage d'un autre temps, la complicité douteuse de quelques naturalismes biologisants et d'une théologie de l'inspiration extatique. D'une inspiration irresponsable et docile jusqu'à l'ivresse d'une écriture dictée. Vous retrouvez ici des thèmes que nous avons évoqués antérieurement. Les muses ne sont jamais loin. À accorder la moindre légitimité au mot génie, on signerait une démission de tous les savoirs, des explications, des interprétations, des lectures, des déchiffrements, en particulier dans ce qu'on peut appeler vite l'esthétique des arts et des lettres, supposée plus propice à la création. Une telle démission serait mystique, mysticoïde. On y avouerait une adoration muette devant l'ineffable de ce qui, dans la valeur courante du mot génie, associe souvent le don à la naissance, le secret au sacrifice. Et c'est là qu'est le twist. Mais ne nous hâtons pas de dénoncer tout secret. Si mystique en grec en appelle toujours à du secret, nous aurons peut-être besoin d'en recourir à ce mot, mystique. Donc cette citation qui était commode pour introduire, puisqu'elle fait une sorte de synthèse élégante de toutes sortes d'arguments que nous avons vus antérieurement, cette citation s'achève donc sur ce twist, sur une ouverture plutôt qu'une fermeture. Et la controverse sur les notions de talent ou de génie porte beaucoup sur le pouvoir d'individualisation amplificatrice que véhiculent de telles notions. L'argument de Derrida ne va dans ce sens, c'est-à-dire vers la critique de la mythologie ou de la mystique des origines purement individuelles, que pour déplacer le traitement du problème en réservant l'hypothèse d'un secret non réductible ou la possibilité d'une indécidabilité, pour employer une catégorie de sa philosophie. Et je vous renvoie, pour avancer dans l'exploration de ce secret, au livre de Derrida, dont j'ai extrait cette citation, et que je n'irai pas examiner davantage aujourd'hui. Maintenant, changeons radicalement d'horizon théorique. Je vais emprunter mon deuxième extrait introductif à un tout autre horizon théorique ou philosophique, et à un livre écrit par Pierre Macheret, il y a déjà longtemps, une cinquantaine d'années. Le travail de Pierre Macheret, qui est un philosophe contemporain, portait, du moins à l'époque où il publie l'ouvrage dont j'extrais ces éléments, l'ouvrage s'appelle « Pour une théorie de la production littéraire », son travail portait l'empreinte de sa proximité avec les thèses matérialistes de Louis Althusser. Macheret était un des co-auteurs de « Lire le Capital », un ouvrage célèbre qui est principalement dû à Louis Althusser. Et il a écrit donc en 1966 un précis de conception matérialiste de la littérature intitulé « Pour une théorie de la production littéraire ». Le court extrait du chapitre 11 de la section qui s'appelle « Quelques concepts élémentaires » s'intitule « Création et production ». Et c'est une critique en règle de la sémantique de la création parce qu'elle serait le socle d'une idéologie humaniste, d'une anthropologie supplantant une théologie appauvrie qui célèbre les pouvoirs de l'homme, inventeur de ses lois, de son ordre, créature devenue créateur de lui-même. Le renversement matérialiste de Macheret consiste à faire pivoter la proposition. L'art est une œuvre, non de l'homme, mais de ce qu'il a produit. Les diverses théories de la création ont ceci de commun qu'elles traitent le problème de ce passage qui est une fabrication, un travail réellement producteur, en éliminant l'hypothèse d'une fabrication ou d'une production. Toutes les spéculations sur l'homme créateur sont destinées à éliminer une connaissance réelle. Le travail créateur n'est justement pas un travail, un processus réel, mais la formule religieuse qui permet d'en célébrer les funérailles en lui élevant un monument. De la même façon, toutes les considérations sur le don, sur la subjectivité, au sens d'une intimité de l'artiste, sont par principe inintéressantes. On comprend pourquoi, dans ces pages, le terme de création est supprimé et remplacé systématiquement par celui de production. Alors, on peut évidemment dater ce texte. Le vocabulaire de la création n'a pas renoncé, n'a pas reflué, au contraire. Il s'est perpétué et il est célébré de mille manières. Les successions de grandes expositions donnant à célébrer les grands créateurs, dont les récentes qui ont un succès considérable, prouvent que les choses ont une vitalité supérieure à la puissance de la critique. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail de production dont veut parler Pierre Macheret ? Et là, la solution devient un peu plus mystérieuse. L'artiste, je cite, « produit des œuvres dans des conditions déterminées, ouvrier non de lui-même, mais de cette chose qui lui échappe diversement et ne lui appartient jamais qu'après coup. » Et qui donc agit pour produire quelque chose qui échappe à son auteur sauf après coup ? Eh bien, ce n'est pas l'intention de l'auteur. Gardons-nous d'assimiler le pouvoir de l'artiste producteur à, je cite, ce faux miracle de faire surgir à partir de rien une forme absolument choisie. Il s'agit donc de récuser une forme supérieure d'intentionnalité. Le vocabulaire du choix est une illusion. Le choix de l'écrivain, je cite encore, si on transpose à l'analyse individuelle les lois de la production collective, est donc l'illusion du choix. Alors, est-ce que la solution consisterait à substituer un argument qu'on a beaucoup utilisé, qui est un argument structuraliste, comme celui de la linguistique et structuraliste, comme celui de la puissance d'engendrement contenue dans la forme elle-même ? C'est un argument qu'on retrouvera plus tard et qui a même servi à certains égards à décrire ce qu'est la grande création dans des arguments de Pierre Bourdieu quand il parle de poétique insciente et du travail de la forme comme moyen de, pour l'artiste de dépasser les déterminismes. Mais dans cette version-ci, c'est plus simple. Cet argument, il dit, et il est énoncé comme ça par Pierre Macheret, on dira que c'est le récit dans la création littéraire en tant que tel qui est déterminant. Il produit lui-même son déroulement par l'effet d'une causalité propre. À lui revient la fonction de dire l'inédit et de le rendre lisible en l'organisant. Est-ce que cet argument vaut quelque chose ? Et Macheret voit bien que cet argument risque bien d'échouer parce qu'il substitue un mécanisme à un autre. Au lieu d'une origine consciente et délibérée qui organise tous les choix, on a maintenant une sorte de formalisme logique qui unifie la genèse de l'œuvre à partir d'une forme ou d'un langage qui organise tout, mais aussi à partir d'une origine, d'un germe. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve pour avancer dans une solution, avec beaucoup de prudence, c'est un mot qui revient souvent dans ce livre, on trouve un plaidoyer précisément prudent pour invoquer la pluralité des conditions d'une production, pour prêter attention à une, je cite, diversité d'éléments, au changement, parce que c'est un vocabulaire qui se substitue en quelque sorte à un structuralisme statique, à la mobilité des processus, et aussi à cette idée de modification, je cite ce mot, qui intervient dans le cours même du travail et qui n'est ni hasard ni préméditation. C'est une citation du livre. Et on trouve un plaidoyer pour invoquer le principe d'autonomie. La spécificité de l'œuvre, c'est aussi son autonomie. Il faut prendre les choses en leur sens étymologique, c'est-à-dire quelque chose qui se donne à soi-même, ses lois, ses règles. Vous retrouverez l'écho de vocabulaire kantien. On est matérialiste, mais on peut être kantien d'une certaine manière aussi. Donc, l'œuvre est à elle-même sa propre règle, je cite textuellement Macheret, dans la mesure où elle se donne ses limites en les construisant. Ce vocabulaire qui passe son temps à tordre les déterminismes pour en faire un principe d'engendrement matérialiste est une complexité mais qui est récurrente. On en trouvera d'autres échos plus tard. Et donc on trouve toujours ce même couple d'arguments, une production qui n'obéit pas à des schémas préméditables, ça c'est le principe même de l'originalité avec ce que ça contient en soi de sémantique de l'origine, et une loi de la transformation interne, et en même temps, une production qui doit transformer celui qui l'a produit. Sinon, il aurait un mécanisme initial qu'il appliquerait purement et simplement en toute conscience et en toute liberté de décision absolument consciente. Autrement dit, une production qui est elle-même dotée d'un pouvoir d'agir, mais sans cause unique assignable. Voilà le genre de complexité. J'ai cité ces deux auteurs. Évidemment, ça n'est pas un échantillon, bien sûr, mais c'est un bon portique d'entrée dans l'étude de controverses autour des notions qui nous intéressent dans la séance d'aujourd'hui. En fait, nous disposons de trois perspectives critiques possibles sur le recours, des critiques souvent radicales, sur le recours aux notions de talent et de génie, et qui se fondent sur l'argument suivant. Au lieu de considérer les procédures d'évaluation, les imputations individualisantes et les actes de travail générateurs de plus ou moins de réussite admirable comme des variables indépendantes, donc d'explanantia, pluriel d'explanans, c'est-à-dire comme des prémices qui permettent de recourir sans difficulté et sans réflexion supplémentaire aux notions de talent et de génie pour expliquer des résultats et des valeurs, nous devons en faire des variables dépendantes. Ce qui semblait être des outils d'explication, c'est en réalité ce qu'il convient d'expliquer. Il convient donc d'expliquer ce que c'est qu'une évaluation, ce que c'est qu'un processus d'individualisation et ce que c'est que ce type de travail. Évidemment, l'enquête à mener sur ces trois terrains d'exploration ne peut pas séparer strictement ces dimensions, mais nous pouvons essayer de procéder de manière progressive. Et là encore, le domaine des arts auquel je m'attarde, peut-être plus encore que celui des sciences, offre toujours un bon point de départ parce qu'il maximise le relief des problèmes à explorer. Alors d'abord, prenons l'affaire de l'évaluation. Vous avez donc les trois problèmes. Comment fait-on pour évaluer des œuvres sous le régime de l'originalité ? Individualisation, de quoi l'individualisation radicale du travail est-elle l'indice ou le produit ? Et y a-t-il des manières de désindividualiser le travail dit créateur ? C'est une des modalités de la critique radicale de l'excès d'individualisme. Et quelles sont les caractéristiques spécifiques du travail de création-production ? Voilà le programme. Alors, je m'attaque donc à la première dimension, celle de l'évaluation. Après tout, tout ça est immergé dans un bain complet d'évaluation. Une première position consiste à laisser donc indéterminée la question de l'origine des réussites exceptionnelles ou talentueuses, donc à ne surtout pas s'adresser aux inégalités originaires présumées d'aptitude, mais à se concentrer sur les opérations qui mettent en comparaison des résultats et des réalisations très différentes les unes des autres. L'argument général de la critique qui peut être déclenché ici est le suivant. Les attributions de réputation de talent ou de génie sont, 1, basés sur des procédures imparfaites d'évaluation, à la fois liées à l'imperfection de l'information dont dispose chacun et aux multiples manœuvres possibles pour trafiquer les évaluations, 2, fondées sur des mécanismes auto-renforçants de consolidation des réputations acquises qui introduisent plus d'inertie que de mobilité, dans les réputations, par un mécanisme qui peut être aussi d'amplification quasi institutionnelle du mécanisme d'avantage cumulatif. C'est ce que nous avons suggéré en parlant du régime d'historicité dans lequel le vocabulaire du talent et du génie fleurit. Et 3, sont fondées sur des procédures de comparaison qui finissent par concentrer l'admiration sur le sommet sans qu'on sache très bien de combien le sommet est différent de celles et ceux qui sont situés un peu plus bas dans la hiérarchie des valeurs, mais avec la certitude que ceux qui sont situés au sommet vont rafler l'essentiel de leur reconnaissance, le fameux problème des winner-take-all markets. Alors, dans les arts, l'imputation de valeur et de talent opère à travers des cotations de qualité et les transforme en classements plus ou moins finement hiérarchisés, des échelles de notoriété, de multiples espèces de prix et de consécrations, des hit-parades, des listes de best-sellers ou de recommandations dans les réseaux de pairs, des notations de qualité et d'originalité, on en trouve dans des concours ou dans des publications plus ou moins savantes, mais aussi dans des classements beaucoup plus grossiers, artistes de premier plan ou de second plan, œuvres majeures ou œuvres mineures, livres de bonne facture ou sans intérêt, films de qualité A ou B ou Z, vous avez le choix. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que nous avons affaire à des biens et des prestations qui sont très fortement différenciés, qui sont inventés et mis en circulation sous la loi de l'originalité. Et donc, les œuvres doivent différer par leur degré d'originalité, ce qui les rend théoriquement difficilement substituables. C'est même ça la définition juridique, sinon il y a plagiat, et donc malaisément comparables. Donc, le problème est sérieux. Qu'est-ce que valent au juste ces procédures d'évaluation ? La réputation est fondée sur la perception qu'ont les acteurs des mondes de l'art et les consommateurs des différences qualitatives entre les œuvres et entre les artistes, et sur les choix qu'ils font en fonction de leurs préférences. Alors, comment sont formées ces perceptions ? L'argument qui va invoquer des différences intrinsèques de qualité entre les artistes comme source ultime de tous les écarts de réputation doit postuler, s'il est solide, d'une part, que le jugement de chacun, professionnel de l'évaluation ou consommateur profane, est construit à partir d'une information complète sur l'ensemble des artistes et des œuvres qui sont en compétition pour retenir l'attention, surtout si les effets des classements et des jugements sont considérables et créent éventuellement des classements qui peuvent durer sur la totalité de notre durée humaine intergénérationnelle, donc jusqu'à la fin des temps, qui arrivera. Sans cette information, les comparaisons de qualité seraient imparfaites. On procéderait de manière très arbitraire et ne pourrait pas identifier correctement des différences intrinsèques de qualité. D'autre part, l'autre argument classique, c'est que ces informations doivent être acquises et traitées et les jugements doivent être émis de façon indépendante par chacun pour que soient écartés des risques d'influence et des jeux stratégiques sur les évaluations. Ces deux types de conditions sont ceux qui prévaudraient si l'on était situé dans un monde dans lequel les producteurs, pour parler comme le philosophe que j'ai cité tout à l'heure, pourrait faire coïncider la différenciation illimitée de leurs travaux avec une attention illimitée à leurs qualités respectives. Ce qui arriverait si chacun était doté d'une information complète sur la totalité de ce qui est produit et pourrait juger. Ce sont des arguments qui sont souvent à l'origine de revendications, d'ailleurs, de la part des artistes. Quand j'avais enquêté sur la profession de comédien, j'avais obtenu tout un ensemble de témoignages à la fin d'un long questionnaire fermé sur des questions ouvertes sur les difficultés du métier. Et l'une des difficultés du métier, c'était que le système d'information dont disposaient à la fois les employeurs et les publics pour émettre des jugements et des choix et des préférences sur tel ou tel comédien et tel spectacle étaient des systèmes extraordinairement imparfaits, puisque les individus ne s'attachaient qu'à des signaux qui pouvaient être, et on le verra, auto-entretenus de réputation au lieu de percevoir la totalité des qualités des individus présents qui précisément voulaient varier dans leurs caractéristiques de manière illimitée. Et donc, nous avions affaire à ce que ces comédiens appelaient des barrières invisibles ou des barricades mystérieuses, pour parler comme le compositeur Couperin, qui a produit cette œuvre, très belle d'ailleurs. Et donc, ce sont des mécanismes qui, en quelque sorte, réduisent considérablement un format de différenciation par l'originalité qui, lui, prétend, en quelque sorte, ouvrir complètement le jeu, alors que toutes sortes de mécanismes le resserrent, le restreignent, et peuvent éventuellement le figer sur la fine pointe de ce qui est accumulé dans des réputations et qui néglige les autres. Voilà le genre de problème extraordinairement concret qui ensuite consiste à créer des différences, des inégalités et des inégalités de chance, de faire connaître ces qualités. Et je ne parle même pas du problème que sont les qualités initiales et les qualités qui sont ensuite développées dans le cours d'une carrière et qui peuvent permettre éventuellement à un individu de varier beaucoup, comme on l'avait déjà évoqué antérieurement, de varier beaucoup d'un moment à l'autre de sa carrière. Donc la dynamique s'ajoute comme une complexité supplémentaire. Alors, on voit donc bien que ces deux conditions dont je parlais, complétude de l'information et indépendance du jugement, au lieu d'un mécanisme, ce qu'on appelle un mécanisme d'affiliation des jugements, c'est-à-dire d'interdépendance des jugements, ces deux conditions sont très difficiles à réunir. Il est évidemment aisé d'objecter. Aucun système de sélection ne peut traiter équitablement la multitude des productions candidates à une appréciation et ne peut exiger des publics une connaissance de tout ce qui est mis en comparaison pour former des évaluations correspondant aux critères dont j'ai parlé. Par ailleurs, les entorses au principe d'une évaluation indépendante sont innombrables. Il y a beaucoup de manœuvres collusives qui rapprochent les intérêts des évaluateurs de ceux des producteurs et des intermédiaires des marchés. Il y a les interdépendances entre les évaluations critiques en raison de comportements d'imitation ou de jeux d'influence. Le Collège de France et France Culture vous présente le sociologue Pierre-Michel Minguer, La question du talent, modèle d'analyse et controverses interprétatives. Pour comprendre le problème posé par ce cumul de facteurs, à l'origine, différenciation illimitée de la production et des qualités détenues, qui est impossible à prendre en compte pour se faire une image de toute la diversité et former donc des évaluations justes, c'est-à-dire fondées sur une information, sur toute l'information disponible, il faut donc se dire, mais comment est-ce qu'on fait au juste quand on est face à de tels problèmes et comment est-ce qu'on opère des évaluations ? Puisque le problème est non réductible. L'originalité esthétique et la valeur artistique, à la différence d'une performance sportive chronométrée ou de la résolution d'un problème, je ne parle pas du coefficient d'élégance dans la résolution d'un problème qui peut ajouter une dimension esthétique d'un autre ordre, mais en tout cas, l'originalité esthétique et la valeur artistique, par comparaison avec ces autres situation de performance ne se mesure pas autrement qu'en termes relatifs. Et qu'est-ce que c'est qu'une mesure relative de la valeur et de la qualité ? À travers des choix, des paris, des jugements, des carrières se construisent qui se fondent sur des sélections comparatives répétées, des classements et même des tournois, attribution de prix, classement dans des hit-parades, des palmarès critiques, compétitions, victoires, Grammy Awards, mise en spectacle, des épreuves concurrentielles dans les talent shows, des sélections par casting, etc. Dans tous ces schémas d'évaluation, on recourt sans cesse à des comparaisons sur des espaces limités de comparabilité. les critiques, les professionnels des mondes de l'art, les intermédiaires des marchés, producteurs, employeurs, organisateurs, agents, et les consommateurs, destinataires ultimes de tous ces processus, ne cessent pas d'opérer des comparaisons et des classements en compartimentant la production. La culture qui est nécessaire pour apprécier et évaluer les œuvres peut, d'une certaine manière, se laisser définir comme la somme des comparaisons significatives qu'un individu est capable d'effectuer explicitement ou tacitement pour attribuer du sens et de la valeur à un projet, une institution, une œuvre, un artiste. Ainsi, ce que la loi de l'originalité tend à, dans un premier temps, à juxtaposer, les professionnels et le public le hiérarchisent dans leurs préférences, dans leurs investissements, au long de toute une série d'épreuves, de compétitions et de comparaisons. Et donc, on pourra dire que ce qu'on appelle le talent peut être défini, comme je l'ai fait dans un livre, comme ce gradient de qualité qui est attribué à l'individu à travers ses comparaisons dépourvues de repères externes absolus. La difficulté de définir le talent vient donc non pas de ce qu'il est une valeur arbitraire, mais que c'est une qualité purement différentielle. Donc, dans la question de savoir pourquoi ces mondes qui parient sur la compétition par l'originalité et une extrême individualisation de la production, pourquoi ces mondes procèdent à des classements comparatifs et à des sélections éliminatoires, la réponse complète est la compétition par l'originalité, la valorisation de la nouveauté comme valeur émergente et imprévisible, et la faible capacité d'anticipation des préférences des consommateurs déterminent une incertitude forte sur la qualité relative des biens et des artistes. Cette incertitude s'exprime dans la forte indétermination des combinaisons de qualités qui sont requises pour réussir dans la compétition et dans l'imperfection des critères d'appréciation, ces critères d'appréciation et de jugement pouvant même être placés en situation de décalage extraordinairement élevé en cas d'innovation radicale. Et je veux insister ici, il n'y a dans de tels contextes pas d'autre mesure de la valeur des biens ou des personnes que ces mécanismes ordinaux, c'est-à-dire de classement, de hiérarchisation, et non pas de mesure directe de la valeur. Sinon, nous aurions une métrique qui permettrait de mesurer directement ce qui est en fait le résultat d'attributions subjectives et intersubjectives de valeurs. On pourrait évidemment inventer un contre-argument, une métrique de la valeur de la réalisation et de sa rémunération pour un auteur pourrait être, c'est une proposition qu'on pourrait faire, la quantité de travail et d'efforts modulo le niveau de qualification de l'individu. C'est par exemple ce genre de projet qui avait été formulé par des artistes d'un groupe éphémère qui s'appelle Support Surface. Ces artistes avaient proposé à la fin des années 60 et au début des années 70 de fixer le prix des œuvres en fonction du coût de revient de ces œuvres. Donc en multipliant la quantité de travail par un montant horaire de l'heure de travail, augmenter des dépenses de matériel et des charges fixes, coût de location de l'atelier, coût d'exposition par la galerie, etc. Mais évidemment, la grande difficulté de ce genre d'exercice, ça consiste à reporter le problème sur le critère de fixation du taux horaire de rémunération du travail créateur. En effet, pour trouver un moyen réaliste de s'évader d'un principe purement égalitaire, et donc pour donner une courbure positive possible à une carrière, où on ne gagnerait pas la même chose du début à la fin, il fallait adopter des coefficients de réputation, qui sont des coefficients qui s'appliquent au taux horaire et qui agissent comme des multiplicateurs pour fixer un taux horaire raisonnable de rémunération. Et nous voilà repartis dans les difficultés. D'où vient donc ce coefficient? Comment est-il calculé? Je vous rappelle que dans l'analyse que faisait Marx de la valeur de l'œuvre d'art, c'était un des cas qui échappait à sa théorie de la valeur travail. Et il disait très raisonnablement, ayant lu des économistes qui l'ont inspiré, comme Ricardo, que la valeur des œuvres d'art était fonction de l'intensité de la demande qui créait forcément des mécanismes de raréfaction. Et voilà une réponse en quelque sorte matérialiste à une objection matérialiste. Donc on peut faire un bilan comme ceci, des écarts que nous obtenons dans la critique, des écarts à l'égard d'une conception essentialiste du talent. Premièrement, la valeur attribuée aux œuvres et aux professionnels dépend de la sensibilité à l'égard de la perception des différences de qualité. Ça, c'est la définition de la valeur par l'intensité de la demande, dont je viens de parler, qui est elle-même provoquée par des différentiels, ce qu'on peut appeler une utilité subjective ou de préférence subjective, qui est retirée de ce qui est jugé de meilleure qualité. Et la qualité des artistes et des biens représente cette utilité, mais la différence de qualité qui procure plus d'utilité est précisément inhérente à la nature de ce qu'on cherche dans des consommations artistiques. Sans cette hypothèse, selon laquelle des différences de qualité jouent un rôle essentiel pour orienter les préférences des consommateurs, on ne comprendrait pas pourquoi il y aurait une concurrence entre les artistes. Deux, plus le marché sur lequel la demande réagit à ces différentiels de valeur est vaste, plus les écarts de réputation et de valorisation monétaire de la réputation s'amplifient. Je donne ici une citation très connue, du moins d'un article très connu de Sherwin Rosen, « Economics of Superstars », qui explique qu'une superstar, c'est quelqu'un dont l'audience est énorme en comparaison de l'échelle à laquelle la plupart d'entre nous opérons. Les marchés personnels de cette magnitude sont à peu près exclusivement soutenus par l'utilisation des médias qui opèrent comme une ressource coopérative. Ces marchés incarnent des technologies qui, de fait, permettent à quelqu'un de se cloner à faible coût, donc de se diffuser dans le monde. Plus exactement, les coûts n'augmentent pas en proportion de la taille du marché. Une fois qu'un auteur livre son manuscrit à l'éditeur, le texte peut être dupliqué à un faible coût pratiquement indéfiniment. Un programme de télévision, de radio est communiqué quasi instantanément, sans frais, de manière identique à qui veut le capter. L'interprète ou l'auteur fournit plus ou moins le même effort que le livre soit lu ou le concert entendu par un millier ou par un million de personnes. Et vous pouvez ajouter des coefficients multiplicateurs à ces chiffres d'un millier ou d'un million aujourd'hui, grâce aux technologies dont nous disposons. La superstar dont parle cette citation, cet article, peut être notre contemporain. Un succès rapide, plus ou moins éphémère, selon la capacité de cette star ou de cette superstar de construire une carrière et des entrepreneurs de carrière d'augmenter ses chances de se maintenir en haut du palmarès. Mais peut-être aussi cette superstar, un membre des divers panthéons et superclassements patrimoniaux, par exemple Vermeer, qui procède à ces classements de l'empilement et de la consolidation des évaluations au cours du temps. Et maintenant, si nous demandons de combien le talent de quelqu'un doit être supérieur à celui des autres pour concentrer cette demande, le problème, là, est intéressant à explorer. Et le même auteur, Sherwin Rosen, dont je viens de citer un extrait d'article, prend le cas des interprètes de musique classique et note que les différences de revenus entre des interprètes de tout premier rang et des interprètes de second ordre sont importantes, même si, dit-il, dans une écoute à l'aveugle, seule une infime partie de l'auditoire est capable de détecter plus que des différences mineures entre eux. Donc cet argument-là, de dire à partir de différences qui sont quasi imperceptibles, on peut produire des effets gigantesques, petites causes, grands effets, ou effets papillons. Donc cet argument va nettement dans un sens relativiste. La différence de talent entre des professionnels peut très bien être minime, mais ça suffit à concentrer sur ceux qui sont jugés légèrement ou largement plus talentueux, un accroissement plus que proportionnel de la demande et suffit à leur procurer une réputation et des chances d'activité qui, pour un temps plus ou moins long, renforceront vigoureusement leur position dans cette concurrence. En réalité, cette explication-ci que je viens de donner, elle hésite entre deux positions. D'un côté, les différences de qualité entre les artistes et entre les œuvres existent. Elles sont réelles et elles peuvent être perçues. Elles peuvent être perçues, même si c'est d'une infime minorité. Et la supériorité qualitative de certains artistes est donc une sorte de donnée exogène de la compétition et non pas, comme le voudraient des hypothèses constructionnistes radicales, le pur produit d'une fabrication par les marchés, par les entrepreneurs, par des coalitions d'intérêts. Autrement dit, on ne peut pas dire qu'on est dans une situation où, à égalité totale, comme une cire qui est disponible, on va imprimer des différences de qualité à partir d'une décision externe. Non, le jeu est présenté autrement. Il existe des différences, mais qui sont extraordinairement difficiles à percevoir ou qui peuvent être grandes ou petites. Nous ne savons pas au juste parce que nos outils de mesure de ces différences sont extraordinairement imparfaits. Et l'argument dit, c'est sur cette donnée exogène que, éventuellement, peuvent converger des préférences individuelles des consommateurs. Il peut exister des cas où la différence de qualité entre A et B est totalement évidente, du moins selon mon information et mes préférences, et donc je ne suis pas dans une situation de différence minime, mais bien dans une situation d'évidence. De même, les préférences des consommateurs sont définies et indépendantes les unes des autres. Ce sont aussi des caractéristiques exogènes. Et à partir de là, l'hypothèse est que l'écart de qualité peut être perçu par le consommateur pour que celui-ci soit en mesure de choisir et de tirer une satisfaction supérieure de ce qu'il juge meilleur. Mais l'autre point de l'argument qui corrige cette dimension de données exogènes, c'est de dire: oui, mais ces écarts peuvent bien être minimes ou même quasiment négligeables, surtout dans les périodes où on est face à des œuvres nouvelles, contemporaines, mettons, et qu'on n'a pas les repères pour les juger. Au point que ces écarts peuvent n'être perçus que par quelques-uns, qui détiendraient en quelque sorte le monopole de la perception des petites différences. Or, on doit se demander si ces différences de qualité entre des artistes en compétition, si ces différences sont minimes ou négligeables, comment donc peut-on arriver à les percevoir? Et comment peuvent-elles finir par acquérir une telle force qu'elles finiront par orienter les choix des consommateurs et vont être capables de faire diverger les trajectoires de réussite des artistes dont les qualités peuvent très bien, par hypothèse, avoir été extraordinairement proches? Donc, pour que le talent soit une donnée exogène certaine et procure un avantage solide dans la compétition, argument numéro 1, il faut que des consommateurs soient aptes à reconnaître cette différence, cette donnée exogène, soient aptes à la reconnaître en exerçant leur jugement s'ils sont les décideurs ultimes et souverains de ce qui peut s'accorder avec leurs préférences. Et là, les débats sont assez convergents. Un sociologue, William Good, l'auteur d'un livre qui s'appelle « The Celebration of Heroes », a suggéré exactement dans les mêmes termes que Sherwin Rosen, mais un peu avant d'ailleurs. Donc les sociologues ne sont pas toujours à la traîne ou ne sont pas forcément à la traîne des autres, et au contraire. A suggéré qu'il existe des experts en perception des différences intimes de qualité. Il existe peut-être une infime partie de l'auditoire ou cette poignée de gens qui sont capables de détecter ces différences dans certaines situations qui paraissent constituer des épreuves cruciales de jugement. L'écoute à l'aveugle, par exemple, quand on veut comparer des artistes musiciens. Un exemple célèbre de choix à l'aveugle a été donné par des travaux sur la féminisation des orchestres quand on a montré que un des arguments qui empêchait la féminisation des orchestres symphoniques, c'était l'identité sexuée des candidats à un poste. Et quand on a introduit un paravent, on a d'un coup levé l'obstacle et on a mis aussi un tapis pour éviter que des talons soient entendus. Et on a levé l'obstacle à la féminisation des orchestres. Autrement dit, on a pu comprendre que placé dans des situations d'écoute à l'aveugle et donc dans des situations de jugement critique non biaisé, on pouvait corriger des inégalités radicales. Donc il peut se trouver que ces mécanismes ont une efficacité, une vertu, et que même s'ils ne sont qu'une poignée, ces individus sont en mesure de distinguer à coup sûr ce qui est supérieur en qualité. Ils doivent donc être plus cultivés et plus sensibles à ces différences que le public profane, on peut l'imaginer, notamment lorsque l'appréciation évaluative exige de grandes compétences esthétiques. Mais, dira-t-on, est-ce que cette hypothèse-là est si évidente? Suffit-il de grandes compétences esthétiques pour discerner le talent prometteur d'un artiste, d'un jeune artiste par exemple? Après tout, les divergences d'opinion des critiques et les antinomies de l'évaluation que j'établissais plus haut nous rappellent que le jugement expert ne s'incarne pas simplement dans des individus supérieurement doués d'une acribie, d'une acuité de jugement hors du commun et entraînée à l'évaluation pour être de parfaits percepteurs de petites différences. La formation des opinions est en fait le produit de multiples échanges, de tâtonnements, de confrontations. D'ailleurs, on peut demander comment donc procèdent ces fameux évaluateurs sensibles à ces petites différences ? En fait, pour identifier et apprécier le travail de celles qui sont, par exemple, au début de leur carrière, cas où l'incertitude est la plus élevée, les mondes artistiques font eux-mêmes appel à une population très hétérogène d'acteurs évaluateurs, journalistes, aspirants critiques, professionnels livrant des opinions, une population hétérogène qui se renouvelle elle-même très rapidement et dans laquelle on trouve éventuellement des candidats à une carrière dans les métiers de l'information et de l'organisation artistique. Il s'agit pour ces candidats-là de s'insérer dans des réseaux professionnels de ces mondes, de rechercher, de traiter de l'information sur les talents prometteurs, de jouer en quelque sorte aux découvreurs et de découvrir ou de flairer des tendances émergentes de la création, d'exercer un rôle qui tient du journalisme de reportage, qui tient de la chronique informée sur les lieux de création, de l'importation d'informations venues de l'étranger, de la diffusion de prophéties qui peuvent être émises par des professionnels du marché et de la production d'appréciations critiques. Tout ça se combine d'une certaine manière. Et le phénomène n'est pas récent. Il y a un magnifique ouvrage de Harrison and Cynthia White, qui est un grand classique de la sociologie, des démographies professionnelles appliquées au monde des arts, puisqu'il s'agit d'expliquer comment est apparue la révolution impressionniste. Je ne vais pas détailler l'argument, mais dans ce livre, la bonne idée de Harrison White, qui est un grand, et de sa femme, qui était historienne d'art, lui est un sociologue renommé pour être l'un des inventeurs de la fameuse sociologie des réseaux, qui est ce que les économistes nous ont emprunté après coup, deuxième cas intéressant. Eh bien, Harrison White a tout simplement émis l'hypothèse qu'au lieu d'avoir affaire à des peintres, nous avions affaire à un triangle qui était peintre, marchand, critique, et que la critique jouait évidemment un rôle considérable, non pas simplement pour elle-même, mais en interaction. Et ce que je décrivais à l'instant de cette population émergente de candidats à des carrières dans l'exercice de l'évaluation ne fait que refléter cette quantité très élevée d'interactions qui sont nécessaires pour brasser de l'information et pour la faire décanter. Et donc, à ce stade où nous nous situons, l'activité, et parmi ces critiques, évidemment, il y a ceux qui aspirent à être les découvreurs, puisque c'est le rendement maximal possible d'un exercice de jugement critique en incertitude, c'est de pouvoir détecter des artistes qui sont encore inconnus et de les propulser ou de les voir monter au sommet, au firmament, et d'être associés, évidemment, à leur gloire, puisqu'ils en ont été les découvreurs ou les premiers chroniqueurs. Donc, à ce stade, l'activité de ces professionnels et de ces apprentis professionnels de l'information et de l'évaluation, elle a peu à voir avec une expertise constituée. Elle est exercée par une grande diversité d'agents qui recherchent et qui font circuler de l'information pour alimenter la compétition avec des enjeux esthétiques, mais aussi des enjeux professionnels et financiers. Il est impossible de définir la valeur d'un artiste par la valeur actualisée, comme on dirait, des revenus monétaires et symboliques que pourra produire son travail. On est dans l'incertitude. La meilleure approximation de l'estimation d'une valeur hautement incertaine, c'est la somme des informations qui s'échangent entre les acteurs de ces milieux, de ces marchés, de ces institutions, sur le travail et sur la personnalité de cet artiste. Cette information a une faible teneur en valeur, en évaluation experte, même pour les artistes prometteurs, tout simplement parce que les catégories de l'évaluation doivent être en partie remodelées au contact de ce qui pourrait se révéler être une innovation significative, mais qui n'est pas certaine d'être significative, et dont la portée est donc encore inconnue. Et donc, sans surprise, à ce stade, le discours appréciatif et évaluateur amalgame de l'information journalistique, des éloges vendeurs, ce qu'on appelle les blurbs, qui mettent le jugement critique au service de la promotion publicitaire, et des tentatives d'analyse esthétique dont la portée ne pourra être vérifiée qu'à plus long terme. Dès qu'ils parviennent à déceler un artiste à haut potentiel, pour employer un vocabulaire du monde de l'entreprise, les entrepreneurs qui sont dans ces mondes et qui sont eux-mêmes des évaluateurs s'ingénient évidemment à surexposer cet artiste, à actionner des leviers qui déclenchent dans le public des mouvements de contagion admirative en exploitant une dynamique d'auto-renforcement qui fait du succès de l'artiste un effet et une cause en même temps de la qualité qui va lui être attribuée. Et cet artiste qui engrange les premiers succès, on va évidemment chercher à le développer, comme on dit, à la manière d'une invention scientifique ou d'une innovation technique dans la recherche-développement. Et donc, après avoir tiré parti de l'incertitude sur l'identité des vainqueurs en exploitant la compétition par l'originalité, il faut s'efforcer de réduire cette incertitude sur les chances de succès futur de l'artiste prometteur en cherchant à transformer sa valeur instantanée en une valeur durable, en un actif sûr sur lequel il est possible d'investir. Et quand la visibilité de ces opérations et la concentration des paris se fait sur quelqu'un, évidemment, les opérations de mise en comparaison qualitative deviennent plus aisées. L'évaluation est davantage, à ce moment-là, le fait de ce qu'on appellera des gatekeeper critics ou des test makers, ceux qui vont faire l'opinion et qui se sont, comme les artistes eux-mêmes qu'ils discutent et qu'ils mettent en valeur, ces gatekeeper critics ont eux-mêmes franchi des étapes de l'intégration dans les milieux professionnels de l'art. Ils ont eux-mêmes été le produit d'une sélection endogène. Et ces critiques-là, leur culture est plus importante parce que les critères qu'ils emploient sont forgés à partir d'un espace de comparaison qui s'est progressivement homogénéisé davantage. L'expertise détenue par les historiens de la discipline et par les critiques spécialisées de la création contemporaine, elle intervient ensuite comme un troisième degré d'évaluation pour donner une substance comparative plus importante et une crédibilité plus forte au jugement porté. En matière d'art contemporain, la compétence qui est difficile à définir parce qu'elle s'exerce sans recul du temps, équivaut en grande partie, comme l'avait d'ailleurs montré Raymond Moulin, que j'ai déjà cité, à l'expérience et à la familiarité acquise avec l'histoire de quelques décennies écoulées et à l'empathie avec l'esprit du temps. On peut dire aussi que c'est la maîtrise d'une quantité importante d'informations et son actualisation permanente qui est ce savoir érudit, entre guillemets, du critique influent et du conservateur d'art contemporain. Ça n'est pas une dénonciation, c'est un constat sur la base de la situation qui est présenté. Incertitude, critères à régler progressivement, compétition entre les évaluateurs. Et cette information est augmentée et actualisée, notamment grâce à une multiplicité de positions qui sont occupées par ces évaluateurs, qui peuvent être à la fois ou tour à tour critiques, théoriciens, commissaires d'exposition, donc investis dans la réalisation, dans le succès de ce qu'ils proposent et qu'ils évaluent, conservateurs, administrateurs de fondations, etc. Et à ce moment-là, on se situera progressivement à l'intersection entre l'univers artistique et l'univers économique de marché. Voilà pour la formation de ces évaluations et l'émergence d'évaluateurs qui ont la capacité de faire parler les petites différences. Mais dans ce que je viens de décrire, il y a un mécanisme davantage cumulatif. Si vous vous souvenez bien, la parabole des talents est une illustration parfaite du mécanisme davantage cumulatif. L'avantage cumulatif, on pourrait le rapprocher du phénomène des intérêts composés. Einstein avait dit le mécanisme des intérêts composés d'un placement, c'est le plus beau mystère de l'univers. Et Einstein s'y connaissait en mystère de l'univers. Qu'est-ce qu'on veut dire par avantage cumulatif ? C'est une dynamique d'amplification. Nous passons du succès d'une œuvre ou de quelques œuvres à la temporalité d'une carrière de ceux qui les ont produites et qui doivent construire une carrière via l'avantage qui est procuré par la réputation acquise grâce au succès. Quand on saisit les choses en coupe instantanée, à un moment T, la hiérarchie des artistes, des réputations des artistes, paraît exprimer ce qu'on espère être des différences substantielles de qualité, petites ou grandes, telles qu'elles ont été révélées par des comparaisons et des compétitions. Je ne reviens pas sur ce point que j'ai traité. Mais on peut dire aussi, les comparaisons classantes, qui sont ce mécanisme, se contentent pas de révéler des qualités inégalement distribuées et de sélectionner des individus sur cette base. Ces compétitions font aussi diverger les carrières des concurrents dont les aptitudes pouvaient être très proches, voire équivalentes, et nous allons obtenir des écarts qui sont beaucoup plus grands après un temps donné qu'à l'origine du processus. Parce que le signal émis par le gain d'une épreuve compétitive est un levier d'un processus d'accumulation. L'imperfection de l'information sur les qualités individuelles dont je parlais tout à l'heure requiert des compétitions répétées, des épreuves répétées. Mais le système n'est pas sans mémoire. Les réalisations passées et leurs évaluations influent sur les chances de succès des réalisations futures. Et cette accumulation de réputation, elle pourrait éventuellement correspondre à un avantage de qualité intrinsèque qui serait devenu progressivement évident et qui s'amplifierait. Ça, c'est l'hypothèse 1. Mais on peut aussi adopter l'autre hypothèse et dire la réputation de ce vainqueur, de cet artiste qui est devenu célèbre, elle peut agir pour biaiser positivement la perception de ses qualités relatives. Autrement dit, on inverse la causalité entre la réputation et la qualité. La qualité est source de réputation ou la réputation devient signal de qualité. Dans ce cas-là, la concentration des gains et des réputations sur un tout petit nombre d'individus peut correspondre à des écarts de réussite qui sont sans commune mesure avec ce qu'on appelle des écarts d'aptitude dénommés talents. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 24 février 2017 le cours de Pierre-Michel Minger, La question du talent, modèle d'analyse et controverses interprétatives. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minger. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « La différence, la concurrence et la disproportion, sociologie du travail créateur » et plus récemment, il a dirigé avec Simon Paille aux éditions du Collège de France « Big data et traçabilité numérique, les sciences sociales face à la quantification massive des individus ». Réalisation Anne Sacheret, présentation Meryl Moneghetti. Lundi, nous poursuivrons et nous achèverons notre enquête autour du talent avec Pierre-Michel Minguer, modèle d'analyse et controverses interprétatives, suite. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.